reçoivent leur ville dispersée au milieu du pays. Car leur héritage n'est pas une région, mais ta présence jour et nuit. Chaque tribu offre une part, chacun partage ce que tu donnes. Car ton service ne s'enracine pas dans la richesse, mais dans la foi qui abandonne. Et soudain l'écriture déclare ce que l'espérance attendait. Aucune promesse n'est tombée à terre. Tout ce que tu dis s'est accompli. Chaque parole sortie de ta bouche a trouvé son oui dans notre vie. Aucune promesse n'est tombée à terre, ni trop tard, ni oubliée. Car le Dieu qui promet au ciel est le Dieu fidèle sur la terre. Le pays connaît enfin le repos, la guerre se tait, les armes s'endorment et tu montres que ta victoire s'achève toujours dans la paix qui transforme. Ce repos n'est pas une fuite, c'est l'aboutissement du combat. Car ce que la foi traverse un jour trouve son repos sous ton pas. Aucune promesse n'est tombée à terre. Tout ce que tu dis s'est accompli. Chaque parole sortie de ta bouche trouver son oui dans notre vie. Aucune promesse n'est tombée à terre. Tout ce que tu dis s'est accompli. Chaque parole sortie de ta bouche a trouvé son oui dans notre vie.